était vent debout contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé, qui dirige le pays depuis 2005. La contestation populaire se cristallise autour de plusieurs revendications, parmi lesquelles la mise en œuvre des recommandations d'un rapport de la Commission nationale des droits humains sur la torture et le retrait de la loi réformant le code électoral adoptée au printemps par l'Assemblée nationale. Il faut rappeler que le 14 avril 2012, le Rassemblement du peuple togolais a été dissous sous l'initiative de l'actuel chef d'État du Togo, Faure Gnassingbé, pour renaître aussitôt en l'Union pour la République. L'ancien parti unique qui a vu le jour en 69, sous le général Gnassingbé, le Rassemblement du peuple togolais a conservé le pouvoir pendant plus de 40 ans, en dépit de l'instauration du multipartisme en 1991. Il a porté Faure Gnassingbé, le fils, à la présidence deux fois successives lors des élections de 2005 et de 2010, malgré que celles-ci ont été entachées de violences et de fraudes massives selon des observateurs nationaux et internationaux. Entre une volonté de rénover son entourage politique et l'attente des Togolais et Togolaises, cette manœuvre politicienne semble augurer rien de juste pour le peuple, sinon la poursuite de la confiscation de son pouvoir, désormais dénoncée par le collectif Sauvons le Togo, qui s'oppose à une monarchisation du pouvoir, qui remet en cause la légitimité de l'actuel président Faure Gnassingbé, ainsi que le non-respect des lois par le pouvoir exécutif. Ici, il faut préciser que sous l'impulsion d'un mécontentement généralisé, le collectif Sauvons le Togo a été créé en avril 2012 à Lomé. Ce collectif rassemble des partis politiques, notamment les principaux partis d'opposition, des associations de la société civile, des organisations de défense des droits humains, et se donne pour mission de parvenir dans une dynamique unitaire d'action à un changement radical de la gouvernance actuelle du Togo. Alors, face à cette résistance, le gouvernement actuel a initié des tentatives de dialogue en conviant, par exemple, en date du 4 septembre 2012, deux partis politiques membres du collectif Sauvons le Togo à participer à une série de concertations politiques qui devaient démarrer le 10 septembre 2012 à la primature togolaise. Les sujets de discussion annoncés devaient essentiellement porter sur le cadre électoral, le découpage des circonscriptions électorales et les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Pour sa part, le collectif Sauvons le Togo s'oppose et continue à ce jour de décliner les invitations à dialoguer de la part du pouvoir en place en réitérant que des solutions idoines à la quasi-totalité des sujets à aborder ont déjà été formulées dans la plateforme citoyenne pour un Togo démocratique, transmise déjà en juin 2012 aux plus hautes autorités du pays. À ce titre, des points tels que le scrutin à deux tours pour l'élection présidentielle, les élections législatives, ainsi que la limitation du mandat présidentiel avec effet immédiat avaient même fait l'objet d'un consensus en décembre 2011 au terme de plusieurs mois de négociations avec le gouvernement togolais. Dès lors, le collectif Sauvons le Togo a indiqué qu'il décline toute discussion avant la traduction en texte de loi des éléments formulés dans cette plateforme citoyenne pour un Togo démocratique, car ceux-ci n'ont toujours pas connu à ce jour le moindre début d'exécution dans les faits, ce qui confirme, selon le collectif Sauvons le Togo, que les intentions de dialogue politique du pouvoir en place sont des manœuvres dilatoires et ne sont que, je cite, des démarches destinées à berner le peuple togolais dans la lutte active et multiforme amorcée pour l'avènement d'un Togo démocratique. Le collectif Sauvons le Togo a dénoncé également les répressions récurrentes qui ont lieu lors de manifestations, notamment celles des 12, 13 et 14 juin 2012, qui comptent un lourd bilan de blessés graves et d'au moins 3 morts, de celles aussi des 21, 22 et 23 août 2012, où plus d'une centaine de personnes ont été violentées, en dépit de toutes les concessions faites par le collectif pour leur déroulement pacifique. Il faut rappeler ici que depuis juin dernier, au Togo, des manifestations réunissant des milliers d'opposants politiques et de la société civile secouent régulièrement la capitale du Togo, Lomé. C'est une des plus graves crises depuis l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005. Ces manifestations ont été sévèrement dispersées par les forces du pouvoir en place. Ainsi, une première manifestation, le 12 juin, s'est transformée en deux jours d'émeute à Lomé, se soldant, selon l'opposition, par 119 blessés, dont 56 gravement. Le 15 septembre, une manifestation a été dispersée violemment aussi par la police à coups de gaz lacrymogène. Le 19 septembre, les chefs de mission de l'Union européenne, de l'Allemagne, de la France et des États-Unis, et même la coordonnatrice des Nations unies accréditée au Togo, ont exprimé leur vive préoccupation à cet égard. Le 20 septembre dernier, ce sont plusieurs milliers de femmes togolaises habillées en rouge qui ont manifesté à leur tour et dans les rues de Lomé en criant « Fort, dégage » et des slogans dénonçant les abus de pouvoir du pouvoir en place. Dans ce contexte, le collectif « Sauvons le Togo » a ainsi lancé dans la controverse un appel à la désobéissance civile en vertu de l'article 150 de la Constitution togolaise et a décidé de ne plus participer à aucun dialogue avec le pouvoir en place, si ce n'est que pour discuter des conditions du départ de Faure Gnassingbé et de son gouvernement. Le collectif Sauvons le Togo a auparavant réclamé au gouvernement la nécessité de donner satisfaction à certains préalables susceptibles de rassurer la classe politique et les populations togolaises quant à la réelle volonté du régime de Faure Gnassingbé d'apaiser le climat politique dans le pays, de mettre fin à l'instrumentalisation des institutions et aux violations de la Constitution, des lois de la République ainsi que des droits et libertés des citoyens. Ces préalables portaient, entre autres, sur le respect effectif de la liberté de manifester et des droits humains, la traduction devant les tribunaux des auteurs d'actes de torture mis en cause dans un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme au Togo, de même que l'application de toutes ces recommandations. Aussi, il réclame la mise en œuvre immédiate des recommandations urgentes du rapport de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation de 2009, notamment celle visant à mettre fin à l'impunité en sanctionnant les auteurs et co-auteurs et instigateurs des violations des droits humains, des assassinats lors des répressions policières avant, pendant et après l'élection présidentielle d'avril 2005. Ou encore, il réclame la désignation d'un médiateur international accepté par toutes les parties pour conduire une prochaine concertation politique. Alors, pour l'heure, la date des élections législatives qui devaient se tenir en octobre 2012 n'est toujours pas connue et des démarches pacifiques ont lieu à Lomé, la capitale, afin de manifester en date d'aujourd'hui et de demain. Alors, le collectif Sauvons le Togo, qui regroupe 9 organisations de la société civile, 7 partis et mouvements politiques de l'opposition, réclame ouvertement le départ du président Faure Gnassingbé, fils de Gnassingbé Yadema, qui a dirigé le Togo depuis 1967 jusqu'à sa mort en 2005. Faure préside le pays depuis ses victoires mitigées de 2010 et de 2005 et de 2010. Alors voilà, c'était un état des lieux sur la situation électorale au Togo et le report des législatives d'octobre 2012 dans le cadre de ces pressions civiles qui requièrent, depuis juin dernier, la démission du régime en place. Je rappelle que vous écoutez Amandla, une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite par le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, diffusée à CKUT chaque mercredi 19h au 90,3 FM.